إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، donc on commence aujourd'hui le cours numéro 61 dans l'explication du livre Al-Kaba'ir, écrit par le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah, avec les commentaires de Cheikh Salih Al-Fawzan hafizahullah ta'ala. Et le Cheikh ici, il explique maintenant, on est toujours dans le chapitre qu'on a débuté hier, et le titre de ce chapitre c'était le fait de yani d'aider quelqu'un dans un conflit ou dans une dispute, mais de l'aider par ce qui est faux, de l'aider par le faux, hein, injustement, yani. De l'aider dans l'injustice, de l'aider dans le péché, de l'aider dans yani, le fait de falsifier des preuves, falsifier des documents, falsifier des témoignages. Toutes sortes de choses comme ça, yani, tout ce qui a rapport avec le fait d'aider quelqu'un dans un conflit qu'il a avec quelqu'un d'autre, mais de façon injuste et fausse et mensongère. Donc on a lu les versets hier à ce sujet-là. Maintenant on va continuer à lire les hadiths maintenant. Et le cheikh Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il a cité ici deux hadiths, ou deux narrations d'un hadith. Le premier, c'est, il dit, « An ibn Umar radiyallahu anhu marfou'an, man halat shafa'atuhu duna haddin min hududillah, faqad dadallaha fi amrihi, wa man khasama fi batilin, wa huwa ya'lamu annahu batil, lam yazal fi sakhatillahi hatta yanzi'a. ومن قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال. وفي رواية: من أعان على خصومة بظلم فقد باء بغضب من الله عز وجل. Donc ça c'est deux hadiths ou deux narrations. La première, elle est rapportée selon Ibn Umar radiyallahu anhu, ou bien rapporté par Ahmed et Abu Daoud, selon Ibn Umar, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui s'interpose s'interpose en intercédant dans une punition parmi les punitions d'Allah, ou bien les peines parmi les peines d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors il a opposé Allah dans son jugement, dans son commandement. Il a opposé Allah subhanahu wa ta'ala dans son commandement. Et quiconque dispute dans le faux, alors qu'il sait que c'est faux, alors dans ce cas-là, il sera dans la colère d'Allah jusqu'à ce qu'il s'en retire. Hein? Et il dit, quiconque dit à propos d'un croyant ce qui n'est pas en lui, c'est-à-dire il accuse un croyant de quelque chose qui n'est pas en cette personne, Allah subhanahu wa ta'ala va lui faire habiter ou rester dans un endroit dans l'enfer qu'on appelle Radrat al-Khabal, jusqu'à ce qu'il sorte de ce qu'il a dit. Et on avait parlé de Radrat al-Khabal, dans un cours précédent, puis on a expliqué que c'était un des endroits parmi les mauvais endroits de parmi les degrés de l'enfer. Dans une autre narration, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: quiconque aide quelqu'un dans une dispute, mais par de l'injustice ou injustement, alors il recevra la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il va demeurer dans la colère d'Allah azza wa jalla. Le cheikh ensuite, cheikh Al-Fawzan, il va faire un commentaire maintenant sur les hadiths qu'on a lus. Et il dit: قوله صلى الله عليه وسلم من حالت شفاعته دون حد من حدود الله الحد هي العقوبة المقدرة التي شرعها الله في معصية لتمنع من الوقوع في مثلها كحد الخمر والزنا والقذف وسائر الحدود التي شرعها الله سبحانه وتعالى فإذا تقرر الحد على شخص فلا يجوز لأحد أن يشفع فيه لأنه إن فعل فقد عطل حدا من حدود الله وفي هذا فساد للمجتمع وسعي في شفاعة سيئة وأشد من ذلك أنه ضاد الله في أمره أي خالف أمره لأنه سبحانه أمر بإقامة الحدود على مستحقيها. Donc le cheikh il explique que celui qui s'interpose en intercédant pour empêcher l'application d'une des peines parmi les peines d'Allah, et quand on dit en arabe le mot had, al-had, ça veut dire justement la peine, le châtiment ou la punition qui a été prescrite par la charia. Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré cette punition qui a été prédéterminée dans la charia pour un péché quelconque. Et c'est ça ce qu'on appelle al-had. Et le but de ce genre de peine, c'est pour empêcher que les gens tombent dans ces péchés-là. Ce sont des peines ou des châtiments qui sont en même temps préventifs et qui sont en même temps faire en sorte que les gens s'écartent et s'éloignent de ces genres de péchés-là. Quand ils voient la punition, ils savent que si ils se font attraper dans ce genre de péché-là, qu'ils risquent ce genre de punition, alors à cause de ça, ils s'en écartent, ils s'en éloignent. Et parmi les exemples que le cheikh a donné, comme les peines, parmi les peines de la charia, il y a la peine pour la personne qui boit de l'alcool. La peine pour la personne qui ivrogne, qui ivre. Et la peine pour ça, c'est, on avait dit que c'était 40 coups de fouet, et que Omar ibn Khattab avait augmenté la peine par la suite à 80. Naam. Non, c'est la personne qui est trouvée ivre. C'est pas juste parce que quelqu'un qui boit de l'alcool, s'il le boit, on peut pas le savoir nécessairement, tu vois. Tandis que si la personne est ivre et elle marche dans la rue comme un ivrogne, tu vas savoir que elle est en état d'ivresse, donc tu vas savoir qu'elle a bu de l'alcool. Et justement, je voyais un reportage sur la Russie, subhanallah. La Russie, ouais, il parlait de le fléau de la vodka en Russie. Et franchement, c'est catastrophe. C'était la catastrophe, yani, subhanallah. Donc, c'est un reportage que j'ai trouvé comme ça, par hasard. Et quand j'ai commencé à regarder ça, j'ai vu, yani, subhanallah, à quel point la vodka, puis toutes les autres formes d'alcool, comment ça a détruit, yani, pas seulement des vies d'individus, mais même des peuples au complet. Hein? Subhanallah. Ah oui, c'est ça, exactement. Des Amérindiens qui ont souffert de ça aussi quand les Français et les Anglais sont arrivés, qu'ils ont amené avec eux de l'alcool pour justement donner ça aux comme on dit, aux aborigènes, les habitants du pays, Puis, une fois qu'ils ont été attachés à l'alcool, dépendants de l'alcool, après, c'était facile pour eux de prendre le pays au complet. Hein? C'était facile pour eux de faire ce qu'ils veulent. Parce que quand tu fais des affaires avec quelqu'un qui est ivre, hein, qui est complètement ivre, ben il n'a pas sa tête, alors il est capable de faire n'importe quoi, il peut te donner n'importe quoi. Hein. Donc moi, ça me faisait rire parfois quand je parlais avec mon professeur d'histoire, puis je lui disais, mais ces terres-là que vous avez aujourd'hui, là, ici, ça appartenait aux Amérindiens. Hein, et vous les avez volés. Il a dit non, on a des contrats, on a signé des ententes, des contrats. Donc ça, ils nous ont donné ces terres-là. Maintenant, on a les papiers qui prouvent que ça nous appartient. Toi, quand tu vois, c'est. J'ai pas arrêté la discussion, mais c'est pour dire, Yannis, subhanallah, comment vous avez fait signer ces papiers-là? C'est ça la question. Hein? En tout cas. Donc, pour revenir au sujet de l'alcool, donc ça c'est, on sait que dans la charia, il y a une peine. Mais qu'est-ce qui m'a surpris dans ce reportage, c'est que la Russie avant la révolution bolchevique, la révolution communiste, socialiste communiste, les tsars avaient essayé il avait essayé d'interdire la vodka et l'alcool. Ils n'ont pas été capables. Après, quand il y a eu la révolution, la même chose, ils ont essayé de l'interdire, de l'arrêter. Ils n'ont pas été capables. Et donc, à plusieurs moments, ils ont été obligés, quand ils ont essayé de l'arrêter ou de l'interdire, à chaque fois, leur économie a tombé et à chaque fois, ils n'arrivaient pas parce que la population, au lieu de s'abstenir et de boire, ils en fabriquaient tous eux-mêmes dans leur maison. Alors, ils savaient plus quoi. Ils n'ont pas été capables de l'arrêter vraiment. Donc, c'est pour dire que dans l'islam, les principes et les règles sont pas uniquement basés sur de la répression et de l'interdiction. C'est basé aussi sur la foi de la personne. Parce que tu peux interdire facilement quelque chose à quelqu'un quand il croit sincèrement au fond de son cœur que cette chose-là, elle est interdite. Hein? Et que c'est son créateur qui lui a interdit. Tandis que quand tu veux interdire quelque chose à quelqu'un parce que c'est toi qui veux pas qu'il le fasse, mais il croit pas réellement que cette chose-là est interdite ou qu'elle est mauvaise pour lui, alors dans ce cas-là, c'est très difficile de lui faire, hein, accepter qu'il doit cesser de faire qu'est-ce qu'il fait, ou qu'il doit s'abstenir de prendre qu'est-ce qu'on lui interdit de prendre. Hein? Donc c'est ça la différence en fait entre les règles qui sont établies dans l'islam et les règles qui sont inventées par les hommes, les lois qui sont établies par les hommes. Aux États-Unis, ils ont essayé d'interdire l'alcool. La même chose. Ils ont essayé. Il y a une période qu'on appelle la prohibition. Quand ils ont essayé d'interdire l'alcool aux États-Unis, et il y a eu toutes sortes de contrebandes et des ventes d'alcool, hein? Je ne sais pas exactement en quelle année, mais il y a une des familles à Montréal, qui est la famille Bronfman, une des familles juives les plus riches, hein? Qui s'est enrichie durant cette période-là, hein? En faisant la contrebande d'alcool. Aux États-Unis à cette période-là. Donc beaucoup de gens se sont enrichis comme ça. Pourquoi? Parce que les gens y croient pas en l'interdiction. Hein? C'est pas quelque chose dont ils sont convaincus. Alors moi j'ai dit quand j'ai fini de regarder le reportage de la Russie là, je me disais à moi-même, est-ce que Karl Marx il n'aurait pas dû dire que au lieu de dire que c'était la religion qui était l'opium du peuple, il ne devait pas dire que c'était la vodka qui était l'alcool qui était l'opium du peuple. Parce que la réalité, c'est ça. Hein? Et c'est ça. Parce que eux, ils veulent oublier leur misère. Et ils trouvent que la vie était en Russie tellement dure que la seule issue qu'ils avaient de leur malheur, c'était de se saouler, en fait. Tu vois? Donc c'est triste ce genre de choses-là. Et beaucoup de non-croyants, malheureusement, ils sont dans ce genre de situation. ils ont pas trouvé d'autres moyens d'échapper la misère dans laquelle ils vivent, la misère spirituelle, hein, excepté que de yani, s'enfoncer dans l'alcool, la drogue et toutes sortes d'autres illusions comme ça. Donc il y a aussi la peine pour l'adultère, hein, pour l'adultère et la fornication. Donc ça, c'est il y a des peines spécifiques pour ça dans l'islam. Si c'est la personne qui fait la fornication, on sait que c'est un nombre de coups de fouet. Et pour l'adultère, c'est la lapidation jusqu'à la mort. Et pour la personne qui accuse une autre d'avoir commis l'adultère ou la fornication et qui n'a pas de témoin, n'a pas quatre témoins, c'est 80 coups de fouet. OK? Donc ça, c'est qu'est-ce qu'on appelle les hudoud, les peines établies par Allah subhanahu wa ta'ala dans la charia. Excuse-moi, mon frère. Tu peux mettre le bâton dans la porte? Ouais, parce que s'il y a quelqu'un qui... Barakallahu fik. Donc ces peines-là, si vous voulez les connaître et les comprendre et savoir les preuves qui sont dans le Coran, dans la Sunna et les détails de ces peines dans l'islam, il y a les livres de fiqh, des livres de fiqh qui clarifient ces punitions-là. Et il y a un chapitre qu'on appelle Bab al-Hudud, Bab al-Hudud, c'est-à-dire le chapitre des peines de la charia. Et dans tous les livres de fiqh, tu vas trouver ces clarifications-là, ces exemples-là. Par exemple, dans n'importe quel madhab, le madhab Hanafi, le madhab Maliki, le madhab Shafi'i, le madhab al-Hanbali, dans les quatre madhahib, parmi les madhahib d'Ahl Sunnah, tu trouves le chapitre qu'on appelle yani al-Hudud. Hein? Donc il y en a par exemple les koufars aujourd'hui, quand ils parlent de ce sujet-là, ils disent, ah ça c'est les wahhabites, et c'est l'Arabie Saoudite, hein, et c'est les salafistes qui supportent ou qui font la promotion de ces règles-là dans l'islam, c'est des intégristes, ou je ne sais pas quoi. Alors qu'en réalité, c'est quelque chose qui est établi dans le Coran, dans la Sunna, et dans les quatre écoles de fiqh, dans tous les madhahib de l'islam, parmi les ulama des quatre madhahib. Donc eux, ils disent, ah ça c'est l'Arabie Saoudite parce que eux ils sont sur le madhhab hanbalite et le madhhab hanbalite c'est un des plus rigoristes et puis l'imam Mohammed ibn Abdul Wahhab était un littéraliste ou je sais pas quoi et ils disent la même chose de Ibn Taymiyyah comme si c'était seulement ces quelques savants-là qui étaient hein, d'accord avec ces principes-là. Alors que, en réalité, tous les savants, tous les imams de l'islam ont supporté et défendu ces principes-là, sans exception. Il n'y en a pas un parmi les ulama et les imams de l'islam dans toute l'histoire qui a jamais remis quoi que ce soit en question de ces choses-là. Excepté des égarés de notre siècle ou de notre époque. Et il y en a d'autres qui se basent sur le fait que dans beaucoup de pays musulmans aujourd'hui, ces règles-là ne sont pas appliquées. Alors, ils se basent sur le fait que la plupart des pays musulmans aujourd'hui ne les appliquent pas pour essayer de pointer du doigt l'Arabie Saoudite comme étant hein, un des rares pays qui le fait, comme si pour dire qu'ils utilisent le statu quo ou bien la réalité de qu'est-ce qui se passe actuellement dans les pays musulmans, comme si c'était une preuve, comme si c'était un argument pour justifier ou supporter quelque chose dans l'islam. Alors qu'en réalité, c'est pas ça qui détermine qu'est-ce qui fait partie de l'islam ou non et comment l'islam doit être appliqué ou non. C'est-à-dire, c'est pas la pratique des musulmans d'aujourd'hui qui détermine qu'est-ce qui fait partie de l'islam et comment on doit appliquer l'islam. Mais c'est les textes avant tout, le Coran et la Sunna. Et s'il y a un seul pays ou deux qui pratiquent ces principes-là, eh bien, c'est pas pour critiquer, dans le sens pour dire Ah, mais si c'est juste eux qui le font et les autres le font pas, ça veut dire dans ce cas-là que eux sont des extrémistes. C'est le contraire. En réalité, c'est que si eux, ils sont les rares à le faire, c'est pour dire qu'en réalité, ça devrait être un exemple pour les autres pays musulmans de suivre, hein, ce modèle-là et d'adopter les principes et les règles de la charia, hein, que yani les pays musulmans qui appliquent ces règles-là ont appliqué. Parce que en principe et en réalité, tous les pays musulmans, on est tous des frères. Tous les musulmans dans tous les pays, on est des frères, peu importe nos différences. Peu importe nos différences, du moment qu'on est musulman, on est tous des frères dans l'islam. Et on est ordonné par Allah subhanahu d'être unis dans la foi, dans la croyance, et de s'unir sur la vérité et de s'entraider dans le bien, dans la vérité et dans la piété, et non pas de se critiquer pour s'encourager à ce qui est faux ou s'écarter de ce que Allah a révélé. Donc, ça, c'est quelques-unes des peines qui ont été établies par Allah, qui ont été légiférées par Allah subhanahu wa ta'ala. Le cheikh, il dit, donc si on a établi que la peine doit être établie sur une personne, si on a établi que une peine doit être établie sur une personne en particulier, après l'avoir jugée, après qu'il soit passé devant le tribunal, devant le juge, et que le juge ait établi les preuves que cette personne est coupable, eh bien, quelqu'un n'a pas le droit de venir par la suite et essayer d'intercéder à la faveur de cette personne pour et aller demander au juge de ne pas appliquer la peine sur la personne. Parce que ce genre d'intercession, hein, c'est quelque chose qui est interdit. Et c'est quelque chose qui ramène du désordre et de la corruption dans la société. Et c'est une intercession qui est mauvaise. Et pire encore, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui s'interpose, hein, ou bien essaie de faire en sorte que la peine ne soit pas appliquée sur cette personne, elle a opposé l'ordre d'Allah et son commandement. Parce qu'elle a refusé ou elle s'est objectée à ce que la personne qui mérite ce châtiment le reçoive, hein, reçoive le châtiment qu'il mérite. Et le cheikh, il dit ensuite, وهذا الذي يشفع ويخالف الله في أمره وينازعه سبحانه في هذا الأمر توعده الله بالوعيد الشديد. Donc il dit, la personne donc qui intercède pour contredire le commandement d'Allah et qui dispute, hein, qui dispute le commandement d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah l'a menacé d'une menace sévère. Il dit, فإذا تقررت الحدود وحكم بها القاضي فلا بد من تنفيذها. Donc une fois que les preuves ont été établies, le jugement a été donné et que on a décidé d'établir cette peine sur cette personne, le juge il a jugé cela. Donc il faut que ce jugement-là soit exécuté et il n'est pas permis. Il dit voilà يجوز الشفاعة فيها. Il n'est pas permis d'intercéder à propos de cette peine. Il dit, فقد سرقت امرأة من بني مخزوم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها وشق ذلك على أهلها فذهبوا إلى أسامة بن زيد رضي الله عنه حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه أن يشفع لهم عنده صلى الله عليه وسلم بأن لا تقطع يدها بأن لا تقطع يدها حينها تكلم النبي صلى الله عليه وسلم وغضب غضبا شديدا وقال أتشفع في حد من حدود الله إلى أن قال وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم غضب على أسامة مع أنه يحبه ويحب أباه بسبب أنه شفع في حد من حدود الله وأنكر عليه وأقسم وهو الصادق المصدوق أنه لا يحابي أحدا في حدود الله حتى ابنته فاطمة لو سرقت لقطع يدها ولا يشفع لها كونها ابنة رسول الله أو ابنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو القائل في الحديث نفسه: إنما أهلك الذين من قبلكم أو الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. Donc le cheikh il raconte maintenant le hadith de qu'est-ce qu'on a parlé hier pendant le cours. Et il explique qu'il y avait une femme de Bani Makhzoum, la tribu de Makhzoum, qui est une des tribus nobles de Quraysh. Et une femme de cette tribu donc avait volé à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné que sa main soit coupée. Et cette chose-là a été dure pour sa famille. Ils avaient de la misère à accepter ça. Alors ils sont allés voir Usama ibn Zayd. Et Usama, c'est le fils de Zayd ibn Harith, ibn al-Harith. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il aimait beaucoup Zayd. Même qu'avant l'islam, les gens le considéraient presque comme le fils adoptif du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est juste que par la suite, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a révélé le verset pour interdire que on appelle quelqu'un qui est un fils adoptif notre fils. Donc on l'appelait plus le fils de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam par la suite. Mais c'est pour dire qu'il l'aimait beaucoup. Et Zayd, radiyallahu anhu, a eu un fils qui s'appelait Usama. Et il aimait beaucoup Usama aussi. Et donc, les gens de cette famille ont su que, étant donné que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait Usama, ils ont dit, si on va aller voir Usama, on va lui demander à Usama de parler au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour nous. Et d'intercéder pour qu'il n'applique pas la peine de couper la main de cette femme. Et qu'est-ce qu'il a fait? Usama, il est parti voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis il lui a demandé de ne pas couper la main de cette femme. Alors, quand il a parlé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est mis en colère, une grande colère. Et il a dit, est-ce que tu veux intercéder dans une des peines, parmi les peines d'Allah, jusqu'à ce qu'il dise par Allah, même si c'était ma propre fille, Fatima, la fille de Mohammed qui avait volé, je lui aurais coupé la main. Et donc, qu'est-ce qu'on veut tirer de ce hadith? C'est que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il s'est mis en colère contre Usama ibn Zayd. Malgré que c'est quelqu'un qu'il aimait, et il aimait son père aussi. Mais il était en colère contre lui, pourquoi? Parce qu'il a intercédé dans une des peines, parmi les peines d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et donc, il l'a condamné d'avoir fait ça. Et il a juré par Allah, alors qu'il est le véridique, celui qui ment pas, et celui qu'on croit quand il parle. Il n'a pas besoin de jurer quand il parle, mais il a juré quand même. C'est pour dire comment il était sérieux dans ce qu'il a dit. Et il ne parle pas pour... c'est-à-dire, il voulait montrer que pour lui, il n'y a pas de sentiment ou de question... De lien de parenté ou quoi que ce soit dans les applications des peines. Il a dit donc que même si ma propre fille Fatima elle volait, je lui couperais la main. Et il n'accepte pas l'intercession pour sa propre fille. Alors, même le fait qu'elle soit sa fille, la fille du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ça ne peut pas la protéger ou la sauver dans l'application de cette peine. Et il a dit lui-même, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait dit lui-même dans ce hadith, il a dit que ceux qui avaient fait périr les gens avant vous, c'est-à-dire parmi les juifs et parmi les chrétiens, ce qui les a fait périr, c'est que lorsque le faible, le pauvre, volait, ils appliquaient sur lui la peine. Mais quand c'était quelqu'un qui était noble, qui était une personne haut placée ou une personne noble, et qu'elle volait, eh bien, il n'appliquait pas la peine sur lui. Donc, c'est ça qui a fait périr ceux qui étaient là avant nous, et c'est pour dire que si les musulmans agissent de cette manière, eh bien, ils vont périr eux aussi, comme ceux qui nous ont précédés ont péri. Et donc, comme je disais hier, la même chose, quand dernièrement, le roi d'Arabie Saoudite, le roi Salman, qu'Allah le préserve, il a... appliquer la peine sur un des princes. Il n'a pas dit, ah, c'est un prince de la famille royale, on ne va pas le punir parce qu'il est un noble ou il est de notre d'un rang royal ou je sais pas quoi. Non. Il a été exécuté pour, oui, il a été exécuté pour avoir tué quelqu'un. Donc il a tué quelqu'un, donc il a été exécuté. Il y a pas de dans l'islam, il n'y a pas de fait que tu dis moi je suis un prince, donc je suis au-dessus de la loi. Hein? Et après il dit waqad kana hadha min fi'l al-umam as-sabiqa. Donc les peuples précédents, ils faisaient ça. يعني التي غضب الله عليها فلا يجوز أن يكون في هذه الأمة فمن وجب عليه القصاص وطالب أهل الدم بإقامته فلا بد من إقامة القصاص عليه إلا إذا أسقط أهل القصاص حقهم وعفوا عنه أما إذا طلبوا به وجاء من يريد أن يمنعهم حقهم فقد ضاد الله وكذلك الأمر في سائر الحدود فإنه لا يجوز الشفاعة فيها وحقوق الناس كذلك فلا تجوز الشفاعة فيما يسقط حقا من حقوقهم فإذا فهذه هي الشفاعة السيئة والعياذ بالله. Donc le cheikh il dit que il n'est pas permis donc qu'il y ait ce genre de comportement dans notre umma, dans la umma de l'islam. Et donc, wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc il faut que on applique la peine. Si c'est la peine de mort, on applique la peine de mort. Et si c'est yani une personne qui a tué, donc elle va être tuée comme c'est prescrit par la charia de l'islam. Et ça c'est bien entendu lorsque la famille de la victime, hein, la famille de la victime exige l'application du talion. L'application de la charia, c'est-à-dire que la personne soit exécutée pour avoir tué un de leurs proches. Mais toutefois, si la famille de la victime décide de laisser la personne, de l'excuser ou de la pardonner et de ne pas faire appliquer la peine, ils ont également le droit de demander de donner pardon à cette personne. Non. Si par exemple la famille de la victime elle dit nous on veut pas que on demande pas que la personne soit exécutée, on lui pardonne. Dans ce cas-là il va être pardonné. Il n'aura pas besoin, on n'aura pas besoin de l'exécuter dans ce cas-là. Ça c'est-à-dire que je pense pas que, en tout cas, ça c'est pas permis, hein, d'acheter la peine ou de donner de l'argent en échange à ce qu'on. C'est-à-dire l'argent, ça c'est Adia, ils doivent le payer quand même s'ils pardonnent. Tu comprends? Ils doivent donner le prix de sang pour la vie, mais d'acheter la famille, comme si c'est la famille, eux ils veulent que la personne soit exécutée, puis eux, ils viennent pour présenter de l'argent. Ça risque d'enrager encore plus la famille de la victime. Parce que, yani, c'est très arrogant de faire ça. Hein? T'imagines quelqu'un, il a tué ton proche, puis la personne, elle est riche, elle vient et te dit, écoute, pardonne la personne, moi, je vais te payer. Ça c'est quand même insultant d'agir de cette façon là tu vois. Donc habituellement ils vont pas faire ça, mais ils vont demander, ils peuvent demander comme de pardonner, mais ça revient à la famille de décider s'ils acceptent, hein, les héritiers de la victime, c'est à eux de décider s'ils vont pardonner ou non. Et s'ils pardonnent, donc la personne va être épargnée, va pas avoir de peine pour ça. Il dit, mais bien entendu, c'est pas tout, dans toutes les punitions, pour tous les crimes qu'on peut pardonner la personne. C'est en particulier pour ce genre de peine-là, c'est-à-dire le meurtre, mais sinon pour le zina, par exemple, l'adultère ou d'autres choses comme ça, la famille de la victime ne peut pas excuser ou pardonner le coupable. Il doit être exécuté. Et même s'il se repent, Une fois qu'on l'a attrapé, qu'on a jugé, qu'on a les preuves et tout, il doit être exécuté dans ce cas-là. Le cheikh, il dit ensuite que. Donc c'est ça. يريد أن يمنعهم حقهم. Donc il dit. Donc c'est ça. Si la famille demande que la peine soit établie, alors. Dans ce cas-là, elle doit être établie. Et si quelqu'un vient pour empêcher cette peine-là, dans ce cas-là, c'est comme il a opposé le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est la même chose pour les autres peines aussi. Pas seulement pour le meurtre, mais pour les autres. Dans le sens que on n'a pas le droit d'intercéder pour faire tomber le verdict ou l'application. Et il dit, et les droits des gens, c'est la même chose. Tu ne dois pas intercéder pour faire tomber un droit parmi les droits de qui appartient à quelqu'un d'autre. Et donc ça fait partie des intercessions mauvaises. Voilà, yadu billah. Après, il explique l'autre hadith. Il dit wa qawluhu sallallahu alayhi wa sallam fi hadith ibn Umar radiyallahu anhuma wa man khasama fi batil wa huwa ya'lamu annahu batil wa hadha mahallu ash-shahid fi al-hadith anna man khasama fi batil aw a'ana في الخصومة في الباطل فقد أتى إثما عظيما وهذا فيما إن كان يعلم أنه باطل أما إن كان مجتهدا ولا يدري أنه باطل فهو غير مؤاخذ ولكن إذا علم فإنه لم يزل في سخط الله أي لم يزل الله ساخطا عليه وهذا فيه وصف لله سبحانه وتعالى بأنه يسخط ويغضب ولكن ليس كسخط المخلوقين وإنما هو سخط وغضب يليق بجلاله فهو من صفات الله تعالى. Donc le cheikh il dit que Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, il rapporte que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui dispute dans le faux, il dispute, il a un conflit ou une dispute ou une argumentation, un conflit avec quelqu'un et qu'il argumente dans le faux ou qu'il utilise des faux arguments ou bien des choses, des preuves, des témoins qui mentent, ou des documents ou des preuves falsifiées alors qu'il sait que c'est faux, alors dans ce cas-là, il est dans la colère d'Allah et il restera dans la colère d'Allah jusqu'à ce qu'il cesse. Il dit ça c'est dans le cas où la personne le sait, c'est-à-dire elle va aider quelqu'un dans le faux, elle va aider quelqu'un mais avec des moyens qui sont injustes et mensongers. Dans ce cas-là, elle est dans le péché, elle est dans la colère d'Allah. Mais si elle ignore que c'est faux, dans ce cas-là, on ne peut pas dire que dans ce cas-là, elle sera prise pour compte. C'est-à-dire, elle ne sera pas punie pour quelque chose qu'elle ignorait. Mais si la personne, elle était au courant et elle savait que c'était faux, puis qu'elle l'a utilisé quand même comme argument ou comme preuve, alors dans ce cas-là, elle sera dans la colère d'Allah. Et le cheikh, il dit que ça, c'est une description, un attribut d'Allah. Le fait qu'on dise qu'il a comme attribut le fait de se mettre en colère, le fait d'être en colère, et que ce n'est pas une colère qui est comme celle des créatures, mais c'est une colère et un courroux qui convient à sa majesté et à sa grandeur et à sa perfection. Donc, ce n'est pas comparable aux attributs des créatures. Après, le cheikh il dit « wa qawluhu hatta yanzi'a anhu » أي يترك وينتهي عن مخاصمته وذلك بأن يتوب منه ويستحل من المقول فيه يستحل من المقول فيه. Donc il dit jusqu'à ce qu'il s'en retire, c'est-à-dire qu'il cesse de disputer dans le faux et d'utiliser le mensonge et des choses de ce genre, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'il s'en repente et qu'il revienne de ce qu'il a dit dans le faux. Il dit wa qawluhu sallallahu alayhi wa sallam man qala fi mu'minin ma laysa fihi al-muslim lahu hurma kama qala sallallahu alayhi wa sallam إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا وفي بلدكم هذا. فمن تكلم في عرض أخيه وسبه وشتمه أو اغتابه أو خونه أو قال له يا فاسق أو يا فاجر أو يا عدو الله أو قذفه بفاحشة فإن الله يحبسه في ردغة الخبال أي في النار والعياذ بالله. وقد سبق بيان المراد بردغة الخبال نعم في باب ما جاء في البهتان يعني. وفي هذا عقوبة شديدة حتى ينزع ذلك حتى ينزع عن ذلك يعني أن يستمسح من المظلوم الذي تكلم فيه. ومن ذلك أيضا الوشاية بالمؤمنين عند الحكام وذوي شأن بغير حق، فهذا مما يستوجب الوعيد الشديد. Donc le cheikh il dit celui qui par la suite le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui dit à propos d'un croyant ce qui n'est pas en lui. C'est-à-dire il va dire à propos de quelqu'un des choses et ces choses-là sont elles ne sont pas présentes chez cette personne. Donc c'est comme s'il a menti sur quelqu'un. Donc celui qui ment sur un musulman, sur un croyant, et le cheikh il explique que ça c'est pour faire comprendre que le musulman il est sacré pour un autre musulman. Et quand on dit qu'il est sacré, c'est comme c'est mentionné dans le hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, dans lequel il dit que vos sangs, c'est-à-dire vos vies, vos biens et vos honneurs sont sacrés les uns pour les autres. De la même manière que ce jour-ci est sacré, que ce mois-ci est sacré, et que cet endroit-ci, cette ville-ci est sacrée. Et donc, il veut dire que vos sangs, vos vies, vos biens et vos honneurs, tout ça c'est sacré pour vous, comme le jour de Arafat, comme le mois de Dhul-Hijjah, et comme la Mecque. Allez, le musulman, il est aussi sacré pour son frère que ces choses-là. Après le cheikh il dit فَمَنْ تَكَلَّمَ فِي عِرْضِ أَخِيهِ وَسَبَّهُ وَشَتَمَهُ أَوْ اِغْتَابَهُ أَوْ خَوَّنَهُ. Donc celui qui parle à propos de l'honneur de son frère, qui l'insulte, qui parle dans son dos, ou qui le trahit, وَعَلَيْكُمْ سَلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ, ou qui lui dit ô toi le pervers, ô toi le pécheur, ô toi l'ennemi d'Allah, ou qui l'accuse d'une perversité, Allah va l'emprisonner dans un endroit de l'enfer qui s'appelle Radrat al-Khabal. Radrat al-Khabal, et on en avait, comme j'ai dit tout à l'heure, on en avait parlé tout à l'heure. Pas tout à l'heure, mais au dernier cours. Pas au dernier cours, mais dans les cours passés. Je me rappelle que c'est dans le chapitre de la calomnie. Donc, c'est un des endroits, parmi les endroits de l'enfer. Après, qu'est-ce qu'il dit le cheikh? Il dit que c'est un endroit, donc, dans l'enfer, et c'est un grave, un châtiment sévère, et la personne, elle va durer dans ce châtiment, dans ce châtiment, jusqu'à ce qu'elle, elle va être châtiée là-dedans, dans cet endroit-là, dans l'enfer. Et il dit que Allah va être en colère avec cette personne jusqu'à ce qu'il s'en retire. Et quand il dit jusqu'à ce qu'il sorte de cela, ça veut dire qu'il demande pardon à la personne à qui il a fait une injustice en parlant contre lui ou en faisant de l'injustice à cette personne. Donc il doit aller la voir cette personne et lui demander pardon. Lui demander pardon et s'excuser d'avoir parlé contre elle. Il dit وَمِنْ ذَلِكَ أَيْضًا الْوِشَايَ بِالْمُؤْمِنِينَ. Donc également d'aller faire des problèmes à d'autres musulmans auprès des dirigeants, auprès des gens importants, mais de façon injuste, pour donner des problèmes à quelqu'un. Et le cheikh, il dit que ça, c'est quelque chose qui va faire en sorte que la personne, elle va mériter une punition sévère. Il dit, وَقَوْلُهُ مَنْ أَعَانَ عَلَى خُصُومَةٍ بِظُلْمٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَهَذَا مَحَلُّ الشَّاهِدِ مِنَ الْحَدِيثِ وَهَذَا يَشْمَلُ الْوَكِيلِ وَالْمُحَامِي لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا مُعِينٌ عَلَى الْخُصُومَةِ بِالْبَاطِلِ وَقَوْلُهُ فَقَدْ بَاءَ أي رَجَعَ وَتَبَوَّأَ مَكَانًا مِنَ النَّارِ وَلَعِيَاذُ بِاللَّهِ بغضب من الله يعني الغضب والسخط والأسف بمعنى واحد يعني فالله يغضب ويسخط وهذا من صفاته وغضب الله لا يقوم له شيء وفي هذا الوعيد الشديد لمن اتصف بهذه الصفة المذمومة وفيه كذلك الترغيب لمن وقع في مثل هذه الأمور وكأن يكون صدر منه ظلم أو إساءة أو مخاصمة بالباطل لأن يعود إلى الله ويتوب ولا يعود لمثله. Donc le cheikh il dit celui qui aide dans un conflit mais qui aide par d'une manière injuste et dans ce qui est faux d'une façon mensongère et fausse alors yani, il reviendra avec la colère d'Allah. Et c'est ça qu'on voulait mentionner à propos de ce hadith en particulier. Et ça comprend, le cheikh il dit, ça comprend la personne qui parle au nom de quelqu'un ou qui est son avocat. Hein? Si cet avocat ou cette personne, elle va défendre la personne ou parler au nom de la personne en utilisant ce qui est faux, en disant des mensonges, en falsifiant des preuves ou des choses de ce genre, alors dans ce cas-là, elle sera dans la colère d'Allah. Hein? Et Allah va lui donner sa place en enfer. وَلَعِيَذُ بِاللَّهِ Et il sera donc dans la colère d'Allah. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, il a comme attribut la colère, qu'on appelle en arabe al-ghadab, et également al-sakhat. Oui, il y a une femme, peut-être dehors, il y a une sœur qui veut rentrer. Barakallahu fik. Donc le cheikh il dit que ça c'est une menace sévère pour celui qui yani le fait que yani le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait mentionné qu'il aura la colère d'Allah il n'y a personne qui peut arrêter la colère d'Allah et donc ça c'est une menace sévère pour celui qui a cette caractéristique. Donc il dit وكذلك الترغيب لمن وقع في مثل هذه الأمور. يعني il y a également une incitation pour la personne qui a commis ce genre d'injustice ou de péché de se repentir à Allah et de revenir à Allah subhanahu wa ta'ala pour demander pardon. Le cheikh, il a terminé donc ce chapitre. On va lire maintenant un autre chapitre. Babun man shahida amran falyatakallam bi khairin aw liyaskut. C'est-à-dire celui qui a témoigné de quelque chose ou qui a été témoin de quelque chose, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Le cheikh, il dit An Abi Huraira radiyallahu anhu marfu'an من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فإذا شهد أمرا فليتكلم بخير أو ليسكت رواه مسلم. Le cheikh il dit donc que c'est rapporté selon Abi Huraira radiyallahu anhu. Il dit que l'imam donc parle c'est par l'imam Muslim. Il dit celui qui croit en Allah et au jour dernier, s'il a été témoin d'une chose, qu'il parle, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Qu'est-ce que ça signifie ce hadith? Le cheikh il dit, الأصل في المسلم أنه لا يتكلم إلا بخير ويدخل في هذا الكلام المباح الذي لا فائدة فيه. فإنه ينبغي عليه أن يمسك عنه مخافة الانجرار إلى حرام أو مكروه، فكيف إذا كان كلامه سيشعل نار الفتنة ويؤجج العداوة بين إخوانه؟ ولذلك فإنه على المسلم لو حضر حدوث خلاف بين إخوانه فإما أن يمسك لسانه إلا من كلمة خير فيصلح بها أو موعظة ينصح بها، فإن لم يستطع ذلك فلا أقل من أن يسكت حتى يسلم هو، ولا يؤجج المشاحنة بين أخويه، فإن استطاع حل المشكلة والإصلاح بينهما فليفعل، لأن له بذلك أجرا عظيما. الشيخ يقول que la base pour le musulman c'est qu'il ne parle pas sauf si il dit du bien, hein? Et il va pas même dans des paroles qui sont permises, mais si c'est des paroles qui ramènent aucun bienfait, yani il va pas rentrer dans ce genre de paroles là, même si c'est pas interdit. Mais il dit que il faut que le musulman il se retienne justement de ces genres de paroles inutiles dans la crainte ou par crainte de ne pas justement se laisser aller vers qu'est-ce qui est haram ou détestable. Il dit comment par exemple que dire par la suite donc d'une parole qui risquerait d'allumer le feu de la fitna et des problèmes et d'attiser l'animosité entre ses frères. Et donc ça c'est lorsque le musulman par exemple il est témoin de quelque chose, d'un conflit ou d'une dispute entre deux musulmans ou entre plusieurs musulmans, et il a vu donc qu'est-ce qui s'est passé, et donc il va par la suite essayer de faire de la réconciliation en disant une bonne parole ou une exhortation pour donner le bon conseil. Mais s'il n'est pas capable de faire ça, dans ce cas-là, il se tait pour être lui-même épargné des problèmes. Il ne va pas rentrer dans le conflit puis commencer à dire des choses qu'il a vues pour allumer encore plus le feu de la dispute et du conflit qu'il y a entre ses frères-là. Parce que c'est pas correct pour le musulman d'agir de cette façon et d'être responsable de ce genre de conflit là. Donc celui qui est pas capable de régler le problème, qu'il se taise. S'il est capable de régler le problème et de faire de la réconciliation entre les frères, dans ce cas-là il le fait. Mais sinon, s'il n'est pas capable, alors qu'il se taise. Et il dit wa ja'a fi hadithin akhar man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. » Il dit « فَإِنْ كَانَ الْكَلَامُ فِيهِ خَيْرٍ تَكَلَّمَ بِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ خَيْرٍ وَكَانَ فِيهِ فِتْنَةٍ فَعَلَيْهِ أَنْ يَصْمُتْ وَلَا يُشَارِكْ فِيمَا يَحْدُثْ مِنْ خُصُومَاتٍ أَوْ مُشَادَاتٍ. » Donc le cheikh il dit, donc si la parole elle va ramener du bien, hein, s'il y a du bien dans la parole, il va le dire, il va parler. Mais sinon, si la parole qu'il va dire, il n'y a pas de bien dedans, et que ça va créer de la fitna, et des problèmes, des conflits, alors il se tait, et il ne participe pas donc dans ce qui va ramener plus de conflits, plus de problèmes. Donc ça c'est très très important, parce qu'il y a des gens qui aiment ça parfois de se mêler des affaires qui ne les regardent même pas de toute façon. Il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit Naam min husni islam al-mar tarkuhu ma la yani, c'est-à-dire parmi les choses qui font partie d'un bon islam pour une personne, c'est-à-dire que son islam va être meilleur, va être bon, c'est qu'il ne se mêle pas de ce qui ne le regarde pas. Donc le musulman, il ne rentre pas dans ce qui lui regarde pas, qu'est-ce qui le regarde pas. Il se mêle pas des affaires qui lui regardent pas. Et le cheikh, il dit dans un autre chapitre, allez, ce chapitre-là est un peu plus long. D'accord, on... Attends, il est quelle heure? 6h10. Ok, on a encore le temps. Donc le cheikh, il dit, Babun, ma... باب ما يحذر من الكلام في الفتن. نعم. Donc, qu'est-ce que tu dois faire attention vis-à-vis du... Qu'est-ce qui a été dit sur le fait de faire attention de parler dans les fitan? Fitan, c'est le pluriel de fitna. Fitna, c'est un mot qui peut vouloir dire beaucoup de choses selon le sujet, selon le contexte, mais en général, c'est quelque chose de négatif. Soit que c'est la tentation, soit que c'est les problèmes, soit c'est les conflits, les désordres, il y en a toutes sortes de choses comme ça. D'accord? Donc c'est souvent employé dans... Ça peut aussi vouloir dire l'épreuve, le test. Mais ici, dans le contexte de ce chapitre, c'est surtout le fait de... Qu'est-ce qui cause des problèmes et du trouble, hein, et des conflits. Donc, il dit, il faut pas parler dans les situations quand il y a des conflits, quand il y a des fitanes. Il rapporte à ce sujet quelques hadiths. Il dit, « An ibn Umar radiyallahu anhuma marfou'an satakounu fitna. Tastanzifu'l arab qatlaha fin nar al-lisanu fiha ashaddu min waq'is sayf. » رواه أبو داود وله عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا ستكون فتنة بكماء عمياء من أشرف لها استشرفت له وإشراف اللسان فيها كوقوع السيف ولابن ماجة عن ابن عمر مرفوعا إياكم والفتن فإن اللسان فيها مثل وقع السيف. Donc ça nous montre le danger de la langue, et en particulier dans les conflits, dans les situations de fitna. Et dans ces hadiths là, le premier c'est rapporté par Ibn Omar, et il dit qu'il va y avoir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il va y avoir des fitan, il va y avoir des troubles, des conflits, et yani, c'est fitan, les Arabes vont affecter les Arabes, et des fois ça affecte les musulmans de façon générale. Ceux qui sont morts dans cette fitna là seront dans l'enfer. Et il dit, la langue dans cette fitna sera plus dure que les coups d'épée. C'est-à-dire les paroles que quelqu'un dit avec sa langue, ça peut faire plus de mal parfois que le mal que quelqu'un peut faire avec une arme. Ça c'est à toutes les époques. C'est pas spécifique à une époque. À chaque moment qu'il y aura des fitanes, il faut se rappeler de ce hadith là. Ceux qui meurent dedans, c'est-à-dire quand il y a des conflits dans des pays musulmans, entre les musulmans, puis que les musulmans ils sont en train de s'entretuer. Hein? C'est des situations comme qu'est-ce qu'on vit maintenant dans les pays musulmans. Ça fait partie des fitanes. Et de combattre dans cette situation-là, même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit ça. Et même il a dit, lorsque vous avez des fitanes, restez chez vous dans vos maisons et barrez les portes. Hein? Ne sortez pas. Pour éviter justement de rentrer dans ces conflits-là, peut-être que toi tu vas être... Yani pris dans la fitna, tu vas te faire tuer, ou bien tu vas être forcé de tuer quelqu'un d'autre parmi les musulmans. Donc ça c'est pas permis. Donc il faut s'écarter de ce genre de situation là. Et parfois, qu'est-ce que tu peux dire avec ta langue, ça peut avoir plus encore d'effets négatifs que l'arme. Comme il dit aussi dans l'autre hadith après, qui est rapporté par Abu Daoud aussi, selon Abu Huraira radiallahu anhu, il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, il va y avoir des fitnas. Il va y avoir des fitnas qui sont muettes et aveugles. Hein? Muettes et aveugles. Celui qui se présente dans cette fitna, hein, eh bien, elle va lui être comme, il va être attiré dedans, pour tomber dedans. C'est comme si, yani il va rentrer dans la fitna, puis la fitna va complètement l'absorber. Et il dit que la langue dans cette fitna-là va être plus dure que les coups d'épée parfois. Et c'est rapporté également selon Ibn Majah, selon Ibn Omar, que Ibn Omar a dit, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, prenez garde à la fitna, car la langue dedans, elle est plus, hein, elle est comme le coup d'épée. Le cheikh, il explique, il dit, al-fitan jam'u fitna. Le mot fitan, c'est le pluriel de fitna. Et il dit, al-fitna wa hiya al-ibtila wal-imtihan. وهذه الدار دار امتحان وفتن وهذه حكمة الله جل وعلا يبتلي عباده ليميز المؤمن الصادق من الكاذب في إيمانه فيجري هذه الفتن والمحن من أجل أن يتميز أهل الإيمان الصادق من أهل النفاق. Le cheikh il explique que les fitan, les troubles, hein, que le mot fitna, ça peut vouloir dire, comme on a dit, les épreuves et les tests et les difficultés, les problèmes. À la base, le mot fitna, on l'utilise pour expliquer lorsque on veut purifier un métal comme de l'or. Quand on trouve de l'or brut dans la terre, il est rempli d'impuretés. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On le brûle, on le fait fondre, on le nettoie de ses impuretés. Ça, qu'est-ce que ça s'appelle? En arabe, on dit futinat al-dhahab, hein? Pour dire que on l'a brûlé, on l'a fondu, on l'a passé au feu pour la purifier. Et donc, c'est de là que vient l'expression ou l'utilisation du terme fitna. C'est comme une épreuve. Hein, c'est comme un test. Et en général, quand on sort d'une épreuve, on en sort purifié. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui purifie, qui met ses serviteurs à l'épreuve pour les tester. Et les teste par toutes sortes de problèmes, par toutes sortes de situations difficiles, pour voir et pour distinguer entre le serviteur qui est sincère et celui qui est menteur, celui qui est un vrai croyant et celui qui est un hypocrite. Donc ça fait partie de la sagesse d'Allah, qu'il y ait ce genre d'épreuve-là, pour voir comment on réagit. Parce que sinon, dans la vie de tous les jours, quand tout va bien, quand il n'y a pas d'épreuve, c'est très facile de dire qu'on est croyant. Mais quand il y a des épreuves et des difficultés, c'est là qu'on voit la réalité par la suite. Est-ce qu'on est réellement croyant ou non? Est-ce qu'on est vraiment sincère envers Allah ou non? Et c'est ça en fait la raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous met à l'épreuve. Et il dit أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. Est-ce que les hommes pensent qu'on va les laisser dire nous croyons et qu'ils ne seront pas éprouvés? Et nous avons certes éprouvé ceux qui étaient avant eux pour savoir qui d'entre eux était véridique et qui d'entre eux était menteur. Donc, tout ça c'est pour éprouver les serviteurs et Allah il fait en sorte qu'il y ait ce genre d'épreuve-là pour distinguer entre les vrais croyants de ceux qui sont hypocrites. Après il dit والفتنة أصلها ما يعرض على النار من الحديد والذهب ليزول ما علق بهما من الأوساخ أو ما شابهها من الغش ويعرض على النار من أجل أن يخلص معدنه ويذهب ما عليه من الدخيل فما يجري في هذه الدنيا من أمور فيها شر إنما هي امتحانات وابتلاءات من الله ليميز الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض ولولا الفتن ما تميز أهل الإيمان من أهل النفاق بل صار الناس سواء فمن حكمة الله أن يجري هذه الفتن والشدائد ليميز بين الفريقين. Donc il dit qu'à la base, la fitness, comme je disais tout à l'heure, c'est comme de passer quelque chose au feu, hein, ou de le faire fondre, comme le métal ou l'or, pour enlever les impuretés qui sont dedans. Hein. Donc tu le mets au feu, tu le fais fondre pour le purifier et enlever les impuretés qui sont à l'intérieur. Et donc c'est un peu comme ça quand on parle de la fitna pour les êtres humains. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous éprouve dans des choses qui sont mauvaises, parfois des épreuves, des choses qui sont dures pour nous, des tests pour distinguer le mauvais du bon et pour qu'ils réunissent le mauvais ensemble, hein, les uns avec les autres, et pour qu'on puisse savoir qui sont les vrais croyants, les gens de la foi et les gens de l'hypocrisie. Et sinon, tout le monde serait égal et tout le monde serait pareil. Et Allah, il a voulu par sa sagesse qu'il y ait ces difficultés et ces épreuves pour distinguer justement entre les deux groupes. Tu voulais dire quelque chose? Non. C'est-à-dire que des épreuves dans lesquelles on voit pas la vérité et le faux. On peut pas distinguer facilement qui a raison et qui a tort. Tous les deux, ou tous ceux qui sont en train de se combattre les uns contre les autres, ils prétendent qu'ils sont en train de défendre le vrai. Et ils ont de la misère à savoir qui a raison, qui a tort là-dedans. Donc ça c'est, comme on dit, al-fitna, al-umya, la fitna, l'épreuve ou le problème dans laquelle il y a pas de choses claires. Aussi, on dit parfois rayat ammiya, rayatin ammiya, c'est-à-dire une bannière aveugle. Les bannières aveugles dans le sens que on ne sait pas pourquoi on est en train de combattre et pour c'est quoi le but, pour quelle raison on a soulevé ces bannières. Chacun il appelle à quelque chose de différent, puis on ne sait pas réellement pourquoi ils se combattent. Donc c'est ça les fitan. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit donc de rentrer là-dedans. Et il dit wa qawluhu sallallahu alayhi wa sallam satakunu fitna. Wa hadha ikhbarun min an-nabi sallallahu alayhi wa sallam bi annahu satakun fitan. Laysa fitna wahida. Yani wa innama tadhhabu wahidatan wa ta'ti ukhra. Ay tatataba'. Donc le cheikh explique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit il y aura une fitna. Et dans un autre hadith il dit aussi qu'il y aura des fitan au pluriel. Donc c'est pas une seule fitna qu'il y aura, il y a plusieurs fitna. Et chaque fois qu'il y en a une qui s'en va, il y a une autre qui arrive. C'est comme les vagues, même dans un hadith ça dit comme les vagues de la mer. Chaque fois qu'il y en a une qui vient, elle s'en va, tu dis, bon, ça y est, maintenant, j'ai été sauvé. Et là, il y en a une autre qui revient tout de suite après. Hein? Et même dans le hadith, ça dit, hein, celle-là, c'est celle-là qui arrive. Celle-là, ça va être ma fin. Hein? Et elle vient, puis elle s'en va. Donc, t'as pas été touché. Là, l'autre qui s'en vient, dit, ah, celle-là, ça y est. Après celle-là, je vais être fini. Donc, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala tout le temps de nous préserver, de nous protéger des fitan. Des fois, il y a des fitan que les gens ne voient pas. Les gens, ils les voient pas. Mais elles sont là. Et des fois, il y en a, alhamdoulilah, Allah, il a épargné certaines personnes de certaines fitna. Et que d'autres sont. Moi, je me rappelle, il y a des fitan qui sont arrivés dans certains pays. Et d'autres musulmans dans d'autres pays, ils n'ont pas été touchés par cette fitna. Hein? Tandis que dans d'autres endroits, hein, ils sont en train de se dévorer. Comme actuellement dans certains pays. Ouais, des fois, ça peut être dans une ville et dans l'autre, il n'y a rien. C'est ça. Dans les pays comme par exemple, tu vois, en Libye ou en Yémen ou en Syrie. Ça vient dans un pays, puis l'autre, il est épargné. puis après ça va être un autre pays, puis après ça va être un autre. Il y a pas une fitna qui s'éteint quelque part, excepté que il y en a une autre qui s'allume à un autre endroit. Donc ça finit jamais, les fitnas c'est continuel, hein. Et le cheikh il dit wa qawluhu tastanziful arab ay tastaw'ibhum halakan wal arab khassatan li'annahum hum alladhina hammalahum Allah hadha ad-din wa hadhihi ar-risala wa anzala al-Qur'an bi lughatihim wa ba'atha an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam minhum فكان الواجب عليهم أن ينشروا هذا الدين وأن يدعوا إلى الله تعالى ويجاهدوا في سبيله فإذا قعدوا عن ذلك وتقاعسوا سلط الله عليهم الفتن التي تأتي عليهم جميعا. Donc le cheikh il dit que ces épreuves et ces fitan elles vont toucher hein, les Arabes par une perdition en particulier. Pourquoi? Parce que c'est eux à qui Allah a donné la responsabilité de porter cette religion-là. Et c'est dans leur langue que le Coran a été révélé. Et c'est parmi eux que le messager, sallallahu alayhi wa sallam, a été suscité et envoyé en premier. Et donc, c'était de leur obligation de propager cette religion en premier. Et d'inviter l'humanité à l'accepter et de lutter dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais lorsqu'ils se sont assis et qu'ils ont laissé faire les choses, Allah subhanahu wa ta'ala a fait tomber sur eux toutes ces épreuves et ces tribulations qui tombent sur tous ces gens, tous les musulmans en général par la suite. Après il dit wa qawluhu qatlahum fi an-nar li anna ha'ula al-qatla hum alladhina sababu hadhihi al-fitan wa awqaduha wa sharaku fi idhka'iha fa idha qutilu istahaqqu 'adhab jahannam li anna qatlahum kana wa alaykum assalam wa rahmatullah li anna qatlahum kana بسبب إشعالهم الفتن وأما الذي يبتعد عنها وينزه لسانه ويده فإنه يسلم. Donc le cheikh il dit ceux qui vont être des victimes et qui vont être tués ou qui vont tuer quelqu'un pendant cette épreuve, pendant ces tribulations et pendant ces conflits là, ils seront en enfer. Quand il y a des conflits dans les pays musulmans, et quand il y a des épreuves et des tribulations dans les pays musulmans, et que les musulmans ils commencent à s'entretuer entre eux, et à se tuer les uns les autres, et c'est comme dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel il dit, quand deux musulmans s'affrontent avec leur épée, celui qui tue et celui qui se fait tuer, les deux sont dans l'enfer. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a dit ça, les sahaba ont posé la question au messager d'Allah. On comprend que celui qui a tué soit en enfer pour son péché. Mais pourquoi celui qui a été tué, lui aussi, il va être en enfer? Il a dit parce qu'il était, déterminé à tuer son frère lui aussi. C'est-à-dire que c'était soit qu'il se faisait tuer ou qu'il allait tuer l'autre. Et c'est pas lui qui a réussi à le tuer, c'est l'autre qui l'a tué. Donc, à cause de son intention, de tuer son frère lui aussi, les deux sont dans l'enfer. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas musulmans. Ça veut juste dire qu'ils sont des musulmans qui commettent un grand péché et qui méritent l'enfer pour ce péché-là. Le cheikh, il explique donc que ceux qui vont être en train de se battre dans ces genres de situation-là, et dans cette fitane, comme c'est qu'est-ce qui se passe parfois dans les pays musulmans, les musulmans qui se tuent les uns les autres, dans différents pays, il y a quatre ou cinq groupes différents qui sont en train de combattre en même temps, et les cinq, ils prétendent qu'ils sont en train de combattre pour l'islam, pour la vérité, pour la justice, pour établir la charia, et pourtant, ils sont tous en train de s'entretuer les uns les autres. Ça, c'est des situations dans lesquelles la bannière, elle est aveugle. On ne sait pas de quelle partie on fait. Est-ce que quelle partie a raison, quelle partie n'a pas raison? Et dans des situations comme ça, on n'a pas le droit de rentrer. On n'a pas le droit de se mêler de ça. On n'a pas le droit de rentrer dans ces situations-là. Et même à l'époque, quand il y avait des fitanes dans le passé, il y a beaucoup d'entre les sahaba qui ont refusé de se mettre avec un parti ou avec l'autre. Eux, ils se sont écartés complètement. Ils ont dit non, moi je ne rentre pas là-dedans. Et je ne veux pas faire couler le sang d'un musulman. Et ceux, les autres qui sont rentrés parmi les sahaba, par exemple, dans ce genre de conflit, ils sont rentrés par ijtihad. C'est-à-dire, ils sont rentrés parce que, ce sont des savants, ce sont des ulama parmi les sahaba, et ils ont fait un ijtihad dans le fait qu'ils ont essayé d'atteindre la position qui leur semblait être la vérité. Et même s'ils ont eu tort dans leur position, Allah va les récompenser quand même et ils seront pardonnés pour ces erreurs-là parce que ils ont été des mujtahidin. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: "Idha ijtahada al-hakim fa asab falahu ajran wa idha akhta falahu ajrun wahid." C'est-à-dire si le dirigeant ou le juge ou le savant, quand il fait une fatwa ou quand il prend une position et qu'il a raison dans sa position, il a la vérité, il aura deux récompenses. Mais s'il se trompe, il aura une récompense au lieu de deux. Et il sera pardonné pour son erreur. Tandis que si c'est des gens qui sont ignorants, ou des gens qui ne sont pas des savants, qui rentrent dans les conflits comme ça, eux, ils ne sont pas excusés, parce qu'ils n'ont pas de connaissances suffisantes pour être capables de faire ce genre d'ijtihad. De faire ce genre d'effort de jugement. Donc, ils doivent ne pas rentrer dans ces choses-là encore plus que les autres. Le cheikh, il dit, « وَقَوْلُهُ أَلِّسَانُ فِيهَا يعني الكلام الذي يتكلم به في هذه الفتنة سواء كان بلسانه الذي يتكلم به أو بقلمه الذي يكتب به أو بما يلقيه عبر وسائل الإعلام فينتشر بسرعة فهذا الذي يفعل ذلك إذا قتل فهو في النار فلسانه حينها يكون أشد من السيف ويدخل في ذلك الذي يدعون بألسنتهم وأقلامهم إلى التعري والسفور والتهتك والتطاول على الأحكام الشرعية كما هو واقعنا الآن فإذا لم تحفظ هذه اللسان وتستعمله في سبيل الحق فإنه سيجزي عليك وعلى مجتمعك سيجني عليك وعلى مجتمعك. Donc le cheikh, il dit, la langue dans cette fitna, elle est plus dure que l'épée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que yani, peu importe si tu rentres dans cette fitna par ta parole, la parole c'est grave. Donc si tu rentres dans cette fitna par ta parole ou bien par ta plume, tu écris des choses sur Internet, tu écris des choses sur Twitter, sur Facebook, sur d'autres sites, peu importe. Ça, ou bien dans les médias, ça se propage très rapidement. Puis des fois, une seule parole que tu écris, ça prend pas de temps et ça fait le tour du monde. Tu peux, comme on dit, enflammer la toile, comme on dit. Quand ils disent que un tweet ou bien un message ou une vidéo est devenu viral, dans le sens que c'est multiplié de façon, les vues ont été multipliées, les écoutes et les gens ont partagé ça de façon exponentielle, tellement que ils ont partagé ça, c'est des millions et des millions de vues. Et tout ça, ça a créé des gros problèmes. Des fois, tu vois même des hommes des hommes politiques ou des gens importants qui tweetent un petit message, de rien du tout, mais ça a un impact négatif dans le monde. Et en quelques secondes, cette parole-là, elle a fait le tour du monde. Regarde à côté, je pense qu'il y a quelque chose là. Ouais. Amène-le pour voir. Ah, ok, c'est à toi? Ah, c'est à toi, ok. Barakallahu fik. Donc, il faut faire attention à ça. Et il dit, dans ce genre de fitna, et dans ce genre de situation, la personne qui va être tuée sera dans l'enfer. À cause de sa langue. Hein? Et la langue, dans des cas comme ça, elle peut être plus dure que l'épée. Et on voit que il y en a qui rentrent comme ça avec leur langue et leur plume. Ils appellent, par exemple, les femmes à se dénuder et à se dévoiler et à retirer les hijabs et à s'objecter ou s'opposer aux règles de la charia, de l'islam. Et ça, c'est des choses qu'on voit actuellement. Donc, si la personne ne préserve pas sa langue et qu'elle l'utilise pas dans le chemin de la vérité, alors il va faire du tort, hein, à lui-même et à sa société. Il dit wa qawluhu sallallahu alayhi wa sallam satakunu fitnatun samma bakma amya المراد أنها تعمي بصائر الناس فلا يرون مخرجا فهم يصمون عن استماع الحق يصمون عن استماع الحق أو المراد أنها فتنة لا تبصر ولا تسمع فهي تفقد الحواس. Il y a une interférence là. Ça. Naam. Après, il dit, le cheikh, تفقد الحواس ولهذا فإن أصحابها لا يسمعون ولا يتكلمون بخير ولا ينظرون إلى ما فيه مصلحة الناس وإنما يصرون على نشر هذه الفتن دون تراجع أو قبول للنصيحة ولو نظرنا إلى واقع الناس اليوم لوجدنا أن هذا الحديث ينطبق عليهم فأهل الفتن لا يقبل أهلها مناصحة وإنما هم مندفعون في شرهم سادرون في غيهم. Donc le cheikh, il dit qu'il y aura des, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il dit qu'il y aura des tribulations et des épreuves aveugles, sourds et muettes, c'est-à-dire qu'elles vont rendre les gens aveugles de façon à ce qu'ils ne voient plus d'issue, hein, de cette épreuve-là. Et donc ils ne vont pas être capables d'entendre la vérité. Et il dit également, ou bien ça peut vouloir dire également, une fitna dans laquelle on ne voit pas ni on entend. Et on perd nos sens. Hein, on perd les sens. Et donc, les gens qui sont dans cette fitna-là, ils n'entendent pas. Hein, ils n'entendent pas, ils ne veulent pas entendre. En d'autres mots, ils ne veulent pas entendre. Et ils ne disent pas du bien. Et ils ne regardent pas qu'est-ce qui est bien pour les gens. Il persiste à propager et à diffuser les problèmes et les conflits sans vouloir revenir sur leur position et sans vouloir accepter le bon conseil. Et si on regarde la réalité de qu'est-ce qui se passe aujourd'hui chez les gens, eh bien, on peut comprendre que ça s'applique à beaucoup de monde. Que les gens de la fitna, c'est rare qu'ils acceptent le bon conseil. Ils veulent uniquement, hein, s'enfoncer, s'entêter dans leur mal et leur aveuglement. Après, le cheikh, il dit, وَقَوْلُهُ مَنْ أَشْرَفَ لَهَا إِسْتُشْرِفَتْ لَهُ أي مَنْ تَطَلَّعَ عَلَيْهَا جَرَّتْهُ لِنَفْسِهَا فَلَا يَكُونَ الْخَلَاصُ مِنْهَا إِلَّا فِي الْبُعْدِ عَنْهَا. Donc, il dit, celui qui se présente dans cette fitna et rentre dedans, elle va l'attirer encore plus, hein, vers elle. Et il n'y a pas de moyen de s'en échapper de cette fitna, excepté qu'en restant loin d'elle. Hein, excepté si tu restes loin d'elle. إذ وقوله إشراف اللسان فيها أي إطالته بالكلام يعني والخوض فيها كوقوع السيف في الحروب بل هو أشد لأن اللسان إذا ضرب قتل أو جرح واحدا السيف إذا ضرب قتل أو جرح واحدا أما اللسان يصيب بأذاه خلقا كثيرا الشيخ يقول celui qui laisse aller sa langue dans cette fitna hein, en commençant à rentrer dans la parole et dans ces histoires, il y en a des conflits, des problèmes. Il dit c'est comme frapper avec l'épée dans la guerre. Il dit même que c'est plus grave que ça, car il dit l'épée, tu frappes une personne à la fois, hein, ou bien tu blesses une personne, tandis qu'avec ta langue, tu peux frapper et blesser plein de gens en même temps. Tu peux faire du tort à plusieurs personnes et à un grand nombre de personnes. Il dit ومن هنا فإنه من الواجب على المسلم ووقت الفتن أن يتكلم بالحق ويبين ذلك الحق فإن لم يكن عنده مقدرة على الكلام أو كانت عنده تلك المقدرة لكنه منع من ذلك فعليه أن يسكت وإن استطاع تكلم بخير من أجل Donc, le cheikh, il dit, donc, qu'est-ce qui est obligatoire aux musulmans dans des situations de fitna, lorsqu'il y a des fitnes comme ça, c'est de parler en disant la vérité, et de dire la vérité. Donc, si le musulman, il a la capacité, et qu'il est en mesure de clarifier la vérité, et qu'il connaît lui-même la vérité, il est capable de l'expliquer, dans ce cas-là, c'est une obligation pour lui de le faire. Mais s'il n'a pas la capacité de l'expliquer, et, ou bien qu'on l'a empêché de parler, et qu'il n'est pas en mesure donc de le faire, dans ce cas-là, il doit se taire. Et s'il est capable de parler en disant du bien, et dans le but d'éteindre cette fitna dans son berceau, alors dans ce cas-là, il le fait. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Wa qawluhu wa iyyakum wal fitan fa inna al-lisan fiha ka waq'i as-sayf. كلمة إياك فيها تحذير وقوله الفتن منصوب يعني على التحذير والمراد احذر الفتن والمشاركة في إيقادها ونشرها باللسان donc quand le prophète صلى الله عليه وسلم dit إياكم والفتن إياكم c'est une parole qui a comme signification l'avertissement donc إياكم Iyakum, c'est comme un avertissement ici. Et comme par exemple, Iyaka wal fitan, Iyakum wal fitan. Donc ça c'est pour avertir contre quelque chose. Et ici c'est contre les fitan. Et qu'est-ce qu'on veut dire? C'est de rester yani, à l'écart de ces fitan et de ne pas la propager avec ta langue. Des fois, il y a des gens, malheureusement, à notre époque, surtout les jeunes, hein, ils entendent quelque chose qui a rapport avec la fitna. Qu'est-ce qui se passe? Ça peut être une fitna dans la religion, ça peut être une fitna dans la dunya, ça peut être une fitna dans plusieurs questions, dans plusieurs domaines. Et eux, depuis qu'ils apprennent quelque chose à propos d'une fitna, ils veulent absolument le dire à tout le monde. Et ils veulent partager ça à tout le monde. Hein? Mais c'est comme, comment je pourrais dire? C'est comme quelqu'un qui a une maladie contagieuse. Hein? Quelqu'un qui est malade ou qui a la grippe. On va dire, quelqu'un qui a la grippe. Qu'est-ce que tu fais quand tu as la grippe? Le mieux que tu peux faire, c'est de faire en sorte que tu ne vas pas hein, transmettre ça à tout le monde. Hein? Pour que tu le limites le plus possible à toi-même ou au moins de personnes possibles. Hein? Tu ne vas pas aller en plein milieu de tout le monde, puis tu commences à éternuer sur eux, puis à hein, donner la main à tout le monde, puis commencer à... Hein, vous comprenez? Donc la fitna, c'est un peu comme ça, en fait. C'est que tu dois essayer de la... Hein, comme on dit, la limiter. le plus possible et de ne pas la faire propager encore plus. C'est comme un virus, yani. Donc, comme on dit, il faut l'entourer pour qu'elle soit le plus possible moins en contact avec le moins de personnes. Et si tu vois des gens qui ont été affectés déjà par ce problème, par cette fitna, eh bien, tu essaies si tu connais une information qui est bénéfique et qui est vraie, et que tu es capable de clarifier ça pour aider à guérir la personne de cette fitna, tu le partages. Et souvent, la meilleure façon de le faire, c'est avec les paroles des ulama, parce qu'il n'y a pas une meilleure solution pour régler une question ou un problème autour de la fitna que de ramener les paroles aux ulama. Hein? Et en général, quand on ramène la parole aux ulama, les ulama, ils tranchent dans des sujets comme ça, puis la fitna, elle s'arrête. Mais lorsque les ignorants parlent dans la fitna, c'est là que la fitna, elle s'agrandit. Au lieu de se rapetisser ou de se calmer, elle devient encore plus grande et elle se propage encore plus et devient sauvage. Hein? Donc, il faut restreindre la fitna. Il faut la limiter le plus possible, hein, au plus petit nombre. Et il faut éviter d'en parler ou de diffuser à tout le monde. Et il faut faire en sorte qu'on s'abstienne de parler lorsqu'on n'a pas de savoir et qu'on n'a pas de connaissance au sujet de ces choses-là, pour éviter justement que la fitna se devienne plus sévère et plus grave. Donc, si tu as les paroles des savants, et souvent c'est comme ça, comme je te dis, quand parfois il y a des problèmes dans la Oumma, des situations, tout le monde parle. Un tel, il a son opinion, l'autre, il a son opinion, l'autre, il a son opinion. Peut-être parmi les frères à Montréal ou ailleurs, tu vas voir que les gens, ils sont divisés en 10 groupes différents par rapport à cette fitna. Chacun, il a son point de vue, puis chacun, il se dispute avec les autres par rapport à ces choses-là. Au lieu de ramener la parole des ulama et de clarifier, bon, voici, les ulama, ils ont parlé. Et ils ont dit, c'est ça la position par rapport à cette question. Et là, hein, tu montres aux gens la parole des savants sur cette question, et là, la fitna, elle s'éteint. Hein? C'est comme s'ils mettent de l'eau sur le feu pour l'éteindre, et là, la fitna, elle est calmée après. Ça s'arrête. Et les gens reviennent normal. Mais sinon, un tel, il dit quelque chose, l'autre, il dit quelque chose. Là, toi, tu ramènes d'autres choses, des paroles d'un tel ou d'un tel. On ne sait pas, hein, c'est qui, et c'est pas des ulama ou on ne sait pas quoi. Donc, là, tu mélanges encore plus les gens. Abstiens-toi de rentrer là-dedans dans ce cas-là. Hein, et attends. Sois patient. Et sois pas pressé de parler dans ces questions-là. Attends que les savants parlent. Si tu vois qu'il y a un problème quelque part dans le monde, que ce soit un problème politique, un problème dans la religion, ou peu importe, ne te précipite pas à en parler et à mettre ton nez dans cette histoire et à vouloir dire ton point de vue ou ton opinion dans cette histoire. Non, retiens ta langue et sois patient. Attends quelques jours, attends quelques semaines, attends quelques mois, tu vas voir que les savants, ils vont clarifier l'affaire. Tu vas voir que les paroles des savants, tôt ou tard, vont sortir et que la chose va être clarifiée. Mets-toi pas en avant des savants qui parlent dans ces questions-là. Ces choses-là, c'est pour les hommes de science à en parler. Et il y a un verset dans Surat Al-Imran, je crois, à ce sujet-là, hein, qui dit, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, c'est quoi le verset? Il dit la alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Le verset ça dit wa idha ja'ahum amrun min al-amn aw al-khawf adha'u bih. ولو ردوه إلى الرسول وأولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. Ça veut dire, lorsqu'ils entendent une parole qui concerne la sécurité ou la peur ou la crainte, ils le diffusent. Et si, au lieu de faire ça, ils l'avaient ramené aux messagers et à ceux qui détiennent le commandement, eux auraient su comment comprendre cette information-là et quoi faire avec. Hein? Donc, c'est pour dire que quand il y a des problèmes ou des conflits, tu vas pas diffuser les problèmes à tout le monde et en parler de façon générale, de dire ça partout et de le propager, de le diffuser. Tu le ramènes aux hommes de science, tu le ramènes aux savants de l'islam et eux, ils vont t'expliquer comment gérer cette information-là et quoi faire avec. C'est ça. Demande aux hommes de science si tu sais pas. Hein? Comme Allah il le dit dans le Coran. Aussi, des fois, il y a des informations. Le commun des musulmans, même si tu lui donnes cette information-là, il ne va pas être capable de la gérer. Il ne va pas être capable de rien faire avec. Hein? Ou de ramener rien de plus à son sujet. Mais tu la ramènes aux autorités ou aux gens qui ont un pouvoir, une autorité. Eux, ils ont le pouvoir de changer les choses et de faire quelque chose avec. C'est comme, par exemple, aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font souvent, les gens? Ils font, par exemple, des documentaires ou des émissions pour dénoncer certaines choses qui se passent dans le domaine de l'alimentation, dans le domaine de ci, dans le domaine de ça. Et là, toi, tu vois ces reportages-là, ils te montrent que, par exemple, il y a les compagnies pharmaceutiques qui produisent des trucs et qui donnent des choses à la population, ou bien des pesticides qui sont utilisés pour les légumes et les fruits. Puis là, c'est comme, tu écoutes ce documentaire-là, puis quand tu as fini, après, tu dis, mais qu'est-ce que je vais faire, hein? Est-ce que je suis capable, moi, de changer quelque chose dans ces choses-là? Mais toi, tu ne peux pas toute seule faire quelque chose. Mais ceux qui ont le pouvoir de changer quelque chose dans ces choses-là, c'est les gens qui ont des positions de décision et qui sont capables de prendre des positions pour faire changer ces choses-là. Mais le commun des citoyens, le commun des gens, ne peut rien faire à ces choses-là. C'est pour ça que des fois, tu te demandes pourquoi ils diffusent ces informations-là. Pourquoi ils diffusent ces choses-là parmi les gens? Et on en a parlé de ça dans les cours précédents. Donc, on va s'arrêter ici. Inch'Allah, on a dépassé le temps pour le cours. Mais bon, on continuera la semaine prochaine, Inch'Allah. Subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka.